chez moi, ça pue la bœuf, t'es en taillade. Rien que ça me fait mal, ça me prend la tête, il me rend malade. On fait les choses, t'inquiète, ça arrive. Là, je suis enfermé dans ma tessie, pété sans arrêt. Même si j'ai pété le platine, j'ai du mal à vivre. Encore l'impression d'être à l'arrêt. Je m'appelle la Walla, là, je suis dépassé par les faits. T'inquiète, je vais pas chez là. Je serai toujours là, même si je me fais trahir par des frais. Le mental est là. La vida loca, la pure, la coca, les putes, la totale. La taille, les pommades, tu prends du bon temps avant qu'il soit trop tard. La souris, souris, marcher, me faire courir, mais je suis énervé. Arrête de faire le malade, au cinéma faut que t'arrêtes. Trop pas là, faut le balance, remplir la mallette. Là je suis malade, je vais faire un malaise. J'en ai marre, les gars, faut qu'on parle. Je me suis jamais pris pour un autre, les frères, c'est la base. C'est plus dans l'éponge, ça tèche à l'ombre. Enchaîne les pompes, les vrais sont là. Tu te perds dans les comptes, belle aide, tu tombes. La vie ou la tombe, sous la cagoule, c'est mort. Trop problème dans ma tête, je sais plus qui sont mes refrains. Comme d'hab, moi j'ai trop la dalle. Si c'est à faire, on met les gants et on le refait. J'écris mon texte dans la barre. La souris, souris, marcher. Je préfère courir, mais je suis énervé. Énervé, on est perché. Les gars faut se préserver, ils sont pourris.